Vous écoutez donc Futur Simple à l'antenne de CKRL. Et si vous vous souvenez, la semaine dernière, dans la revue de l'actualité scientifique, j'ai parlé d'un projet norvégien sur la séquestration du carbone et dans le sous-sol. J'en ai parlé très brièvement, mais nous allons nous rattraper aujourd'hui puisque j'ai à mes côtés deux spécialistes de la question, donc Jean-Philibert Moutenay et Karine Bédard, qui travaillent tous deux à la chaire de recherche sur la séquestration géologique CO2 à l'INRS, ici à Québec. Bonjour Jean-Philibert, bonjour Karine. Bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais bien, je vous inviterai dans un premier temps à vous présenter tous les deux pour que les auditeurs sachent qui vous êtes. Tout d'abord, je voulais vous remercier de nous accueillir ce soir. Donc, je suis Jean-Philibert Moutenay, diplômé d'une maîtrise en droit de l'environnement de l'Université Paris 11. Je travaille depuis plus de 2 ans en tant qu'agent de recherche au sein de la chaire de recherche à l'INRS, c'est-à-dire à l'Institut national de la recherche scientifique à Québec. Je m'intéresse principalement aux questions juridiques relatives à la séquestration géologique du CO2 et à l'élaboration d'une politique pour informer le grand public québécois sur cette nouvelle technologie. Je m'intéresse également aux aspects économiques reliés à la séquestration géologique du CO2. D'accord. Et vous, Karine? Bon, mais moi aussi, je suis agente de recherche à l'INRS. J'ai un baccalauréat en géologie de l'Université d'Ottawa, puis une maîtrise en géomatique de l'Université Laval à Québec. Je travaille pour la chaire de recherche sur le CO2 depuis les débuts, en 2008. Et puis, je travaille surtout du côté géologique, plus à la caractérisation des bassins sédimentaires et puis la modélisation en 3 dimensions du sous-sol. D'accord. Donc là, bon, on sait qui vous êtes, vous êtes agent de recherche à la chaire. Maintenant, il faut présenter cette chaire, finalement, cette chaire de séquestration CO2. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on y fait? Donc, la chaire de recherche s'inscrit dans une des nombreuses actions du plan d'action 2006-2012 sur les changements climatiques du gouvernement du Québec. Elle a donc été créée en 2008, comme l'a dit Karine, et est dotée d'une subvention de 5 ans via le Fonds vert. Le titulaire de la chaire, le professeur Michel Malot de l'INRS. Le principal objectif de la chaire est d'évaluer si la séquestration géologique du CO2 est possible au Québec. Pour ce faire, nous devons identifier les réservoirs géologiques potentiels dans la province et si ces premières évaluations sont favorables, l'idée est de développer dans les prochaines années un projet pilote de démonstration de cette nouvelle technologie dans les conditions propres au Québec. Et il y a également des travaux complémentaires qui sont menés, notamment sur l'évaluation des enjeux socio-économiques. Et si vous avez d'autres questions, ou si vous êtes intéressé plus en détail à nos travaux, je vous invite à visiter notre site internet, qui est la première source d'information en français sur le sujet au Canada. L'adresse est chaireco2.ete.inrs.ca, mais vous nous retrouverez facilement dans Google en tapant chaireco2.inrs. Je suis allée à la voir, puis en fait, c'est très clair. En fait, les explications sont très bien faites. Donc, peut-être une question quand même, parce qu'on parle de séquestration, captage CO2, de quoi s'agit-il? Donc, on utilise l'acronyme CSC, qui signifie captage et séquestration géologique du CO2. Concrètement, le CSC est une nouvelle filière industrielle qui est constituée de 3 étapes. La première étape consiste à capter le CO2 émis par des grands émetteurs. Nous verrons dans quelques minutes qui ils sont. La deuxième étape consiste à comprimer ce CO2 qui a été capté et à le transporter, en général par pipeline, jusqu'à un site de séquestration géologique. Et la dernière étape, la troisième, consiste à injecter le CO2 dans un réservoir géologique afin qu'il soit séquestré, c'est-à-dire stocké pour une période de temps illimitée. Et c'est sur cette dernière étape que nous travaillons au sein de la chaire de recherche, en particulier Karine pourra vous expliquer plus tard, plus en détail, cette dernière étape. Donc, si je comprends bien, l'objectif, c'est d'essayer de réduire la quantité de CO2 qui part normalement dans l'atmosphère. Exactement. Donc, les grands émetteurs émettent du CO2 dans l'atmosphère. Donc, ces grands émetteurs, comme quoi, par exemple, de quoi on parle? Donc, ça peut être des grandes installations industrielles qui émettent plus de 100 000 tonnes de CO2 par an. On peut penser à des raffineries, à des cimenteries, à des usines sidérurgiques, par exemple. D'accord. Donc, ce n'est pas au pot d'échappement de notre voiture. Non. Donc, ces grands émetteurs émettent du CO2, donc participent à l'augmentation de l'effet de serre. Et pour diminuer ça, on voudrait capter le CO2, l'envoyer dans des pipelines et le conduire par des pipelines et l'envoyer sous terre où on veut qu'il reste. Exactement. Pour schématiser, là. Oui. D'accord. Est-ce que ça se fait déjà dans le monde, ça? Oui, ça se fait déjà. Il y a plusieurs projets qui existent à travers le monde. Certains sont des projets de recherche, d'autres sont des projets industriels. Au niveau industriel, il y en avait 8 en opération sur la planète en 2010. On peut citer le plus célèbre, qui est sans doute le projet de Sleipner, qui est en mer du Nord, au large de la Norvège, où la compagnie Statoil y séquestre du CO2 depuis 1996, à environ 1000 mètres sous le fond marin. On peut aussi parler plus près de nous du projet de Weber-Midale en Saskatchewan, par exemple, qui injecte depuis les années 2000 près de 2 millions de tonnes de CO2 par an dans un gisement pétrolier en fin de vie pour stimuler la production. Et parallèlement à ces opérations commerciales, il y a également un projet de recherche scientifique qui a lieu et qui est chapeauté par l'Agence internationale de l'énergie sur place. Et à ce propos, puisqu'on parle d'injection de CO2 dans des gisements pétroliers en fin de vie pour stimuler la production, il faut savoir que ça, ça se fait à l'échelle industrielle depuis les années 70 aux États-Unis. L'idée, en fait, est d'injecter du CO2 pour aider le pétrole à sortir, à en extraire plus des réservoirs. Ça s'appelle la récupération assistée de pétrole. Et dans le cadre du CSC, ce qui est nouveau, en fait, c'est le fait que on veut capter, transporter, séquestrer le CO2 dans le but de réduire les émissions de CO2 et donc les émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre les changements climatiques. Donc ça existe déjà pour aller chercher plus de pétrole dans des gisements qui sont où on ne pourrait pas aller le chercher finalement, il est trop profond. Non, on finalement, pas... exactement. Donc on souffle finalement d'un côté pour le faire sortir exactement. De l'autre côté. Et donc on reprendrait cette technique pour lutter contre les changements climatiques, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, pour, éventuellement, ce ne sera peut-être pas dans les mêmes sites non plus qu'on enverrait le CO2. Non, d'accord. Karine pourrait revenir tout à l'heure. D'accord. Et donc, comment ça se passe finalement? Comment on capte le CO2? Parce que là, il s'échappe, on imagine qu'il s'échappe, par exemple, des cimenteries ou des... Ou des émissaires directement, de la cheminée, quoi. Oui, c'est ça. Mais comment on fait pour le capter concrètement? Concrètement, il y a différentes filières de captage qui existent pour récupérer le CO2. Dans le cas d'installations industrielles existantes, il est éventuellement possible d'ajouter une unité de captage pour récupérer le CO2. Et puis dans le cas de nouvelles installations industrielles, il est possible d'inclure les processus de captage dès la conception de ces nouveaux sites industriels. Donc, comme on le disait tout à l'heure, le CSC est particulièrement bien adapté aux grandes installations industrielles, car il faut qu'il y ait une certaine quantité de CO2 qui soit mise pour justifier la construction d'une unité de captage. Ouais, puis on ne peut pas mettre non plus des pipelines qui partent de toutes les petites industries non plus, ça serait peut-être compliqué. Donc là, on prend là où il y en a suffisamment, on vise les gros émetteurs. Donc on capte, ensuite on l'envoie dans les pipelines, donc là on le pompe, comment est-ce qu'il... Donc une fois qu'il a été capté, il est comprimé en fait, et tout simplement on le transporte par pipeline comme on transporte du gaz naturel déjà actuellement. Mais est-ce qu'il contient des vapeurs d'eau aussi ou s'il contient seulement du CO2? Non, il est purifié, il est quasiment... Il y a différentes normes qui existent, mais en général on parle de CO2 pur à 95% et plus. D'accord. Donc là, on l'envoie ensuite on repère un site géologique où on peut l'envoyer. C'est quoi ce site géologique? À quoi ça ressemble? OK. Premièrement, il faut savoir qu'on vise des sites géologiques qui sont à plus de 800 mètres de profondeur. Donc, pourquoi? Ben, c'est parce que à ces profondeurs-là, la densité du CO2 est très élevée. Plus on descend sous terre, plus la température augmente, plus la pression augmente, ce qui fait que le CO2 devient de plus en plus dense. Donc, dans un même volume, on peut mettre plus de CO2. Par exemple, une tonne de CO2 à la surface de la Terre prend environ 500 mètres cubes, c'est-à-dire un cube de 8 mètres de côté. Si on l'envoie à 1000 mètres de profondeur, cette tonne de CO2-là prend juste à peu près 2 mètres cubes. Donc, à peu près 250 fois moins d'espace. Ouais. Et pourquoi? Parce que dans le fond, il fait plus chaud qu'à la surface de la Terre. Il devrait occuper plus de volume, non? Mais avec la pression, c'est beaucoup. On passe à un point critique en température et en pression qui fait que le CO2 devient plus dense. Est-ce qu'il devient liquide? Non, c'est un état intermédiaire entre le liquide et les gaz. Il a la densité d'un liquide, mais il a des propriétés de dispersion d'un gaz. Ce qui est super avantageux quand on cherche à l'injecter parce qu'il va se diffuser beaucoup plus rapidement qu'un liquide. Il va s'éloigner du puits d'injection, par exemple. Donc, et s'éloigner et prendre plus de place. Mais d'un autre côté, c'est intéressant parce qu'il va s'éloigner et prendre plus de place, mais on ne veut pas qu'il s'éloigne vers la surface. Donc, il faut trouver un endroit où il soit pour le confiner, où on est sûr qu'il va rester à 800 mètres de profondeur. Un des points essentiels pour la séquestration géologique du CO2, c'est d'avoir une roche imperméable qui recouvre le réservoir où on cherche à injecter le CO2. Pour empêcher le CO2 de remonter vers la surface. Cette roche imperméable-là, on appelle ça une roche de couverture. Ça représente bien, on met une couverture par-dessus notre réservoir. Et ça existe vraiment? Je dirais, il n'y a pas de fragmentation dans le roc qui permettrait au gaz de s'échapper? Le but de faire de la recherche et de bien étudier un site avant d'y stocker du CO2, c'est d'évaluer cette roche de couverture-là. Est-ce qu'elle est fracturée? Est-ce qu'elle est faillée? Et on va y chercher, entre autres, à s'éloigner le plus possible des failles pour éviter des remontées qu'on voudrait pas vers la surface. Et puis, généralement, la roche couverture doit avoir plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur. Donc, quand on parle de fractures, généralement, on parle de quelques centimètres. Donc, avant qu'on ait des fractures continues sur l'épaisseur complète de la roche de couverture, c'est pas vraiment le cas. Ouais, la probabilité est faible. C'est ça. Ouais. Donc, on cherche ces sites, ça ressemble à quoi? Parce que, de ce que je comprends, des vieux gisements de pétrole peuvent être de tels sites. Oui. Il y a principalement deux types de réservoirs qui sont visés par la séquestration géologique du CO2. Les gisements épuisés de gaz et pétrole et puis les aquifères salins profonds. Les gisements épuisés d'hydrocarbures sont plus faciles à utiliser car on sait déjà qu'ils existent. On sait déjà qu'ils ont contenu du gaz ou du pétrole, donc ils sont étanches. Puis on connaît leur géométrie, on connaît comment ils se comportent quand on injecte, quand on puise des hydrocarbures. Puis on sait que les hydrocarbures, ils sont restés prisonniers pendant des millions d'années. Ouais. Donc, si on injecte quelque chose, ben ça ressortira pas. Cependant, la quantité de CO2 qu'on pourrait injecter dans les aquifères salins profonds est beaucoup plus grande que ce qu'on pourrait injecter dans les gisements épuisés de gaz et pétrole. Puis des aquifères salins profonds, il y en a beaucoup plus sur la Terre. C'est quoi ça, un aquifère salin profond? Un aquifère, bon, premièrement, un aquifère, c'est une couche de roche poreuse qui contient de l'eau. Cette couche de roche-là est entourée de couche de roche imperméable qui empêche l'eau de sortir. Donc, l'eau est confinée dans cette couche de roche-là. Quand on parle d'un aquifère salin, c'est-à-dire l'eau est remplacée, ou plutôt, à la place d'avoir de l'eau, on a une saumure. C'est-à-dire une eau qui peut être jusqu'à 10 fois plus salée que l'eau de mer. Ouais. Au Québec, c'est le cas. Donc, il resterait de la place, malgré tout, pour y injecter du CO2. Ben, quand on injecte le CO2, au début, va pousser l'eau. Va prendre la place de l'eau. Et un aquifère, c'est pas un environnement fermé. Donc, l'eau va s'en aller un peu ailleurs. Le CO2 va monter, comme le CO2 est plus léger que l'eau, il va remonter au-dessus de l'eau et il va s'accumuler sous la roche de couverture dont on parlait tantôt. Ouais. Donc, il va être coincé, finalement, entre l'eau salée et la roche de couverture. Exactement. Après un certain temps ou plusieurs années, il y a un processus de dissolution du CO2 qui entre en ligne de compte. Donc, le CO2 va se dissoudre dans l'eau, un peu comme du Perrier, si on veut. Et puis, cette eau-là devient plus dense que l'eau originale de l'aquifère. Donc, cette eau-là va descendre en dessous, au fond. Donc là, le CO2 voudra plus monter, voudra descendre. Donc, on augmente la sécurité du site à long terme. Donc, quand cette eau-là, riche en CO2, descend, ben, elle va s'immobiliser au fond de l'aquifère. D'accord. Et puis, à long terme, peut réagir avec les minéraux autour et puis précipiter des nouveaux minéraux, ce qui fait que le carbone va être stocké ad vitam aeternam, sous forme de minéraux. Donc, pourra plus s'échapper à jamais. D'accord. Ah oui, sera jamais séquestré sous forme minérale. Donc là, ce qu'il faut, c'est trouver sur le territoire, où sont de tels aquifères salins, par exemple. Oui. J'imagine, par exemple, si on se pose dans la situation du Québec, donc probablement de vos recherches, il n'y a pas de puits de pétrole en voie de fermeture où on puisse en injecter. Donc, c'est plutôt sur les aquifères salins que vous orientez. Oui. On connaît un gisement de gaz et pétrole de gaz qui a été exploité, c'est à Saint-Flavien. Il a été exploité dans les années 70-80. Et puis, quand il a été fini d'être exploité, il a été récupéré par Gaz Métro, entre autres, et Intragaz, pour faire du stockage de gaz naturel. Donc, à l'été, on stocke du gaz naturel et à l'hiver, on le ressort pour alimenter les besoins de Gaz Métro dus au chauffage pour l'hiver. Donc, de toute façon, ce réservoir-là, nous, on ne pourrait pas l'utiliser pour la séquestration du CO2 parce qu'il est utilisé à des fins quotidiennes, à des fins utilitaires pour tout le monde. Donc, ce qui nous reste, c'est les aquifères salins profonds. Il y en a au Québec. La région qui est visée en ce moment par nos recherches, c'est ce qu'on appelle le bassin des Basses-Terres du Saint-Laurent, qui est situé au sud du fleuve Saint-Laurent, entre Québec et Montréal, à peu près. Donc, on sait qu'à cet endroit-là, dans les profondeurs à plus de 800 mètres, on a des aquifères salins profonds. C'est connu. Et on pourrait stocker beaucoup de CO2 dans cet aquifère salin, dans ces aquifères salins profonds? On vient juste de finir les premiers calculs de... en primeur. Oui, de capacité de séquestration dans les basses terres du Saint-Laurent. Concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé la quantité de CO2 qui pourrait être théoriquement injectée dans le sous-sol québécois. C'est une méthodologie qui a été développée par, dans le cadre de l'Atlas canadien et américain sur la séquestration du CO2. Donc, les formations qui seraient les plus propices sont des formations pour la séquestration géologique, les formations géologiques, pardon, seraient les formations de grès qui sont à la base de la séquence des basses terres du Saint-Laurent, et puis à des profondeurs entre 800 et 3500 mètres. Donc, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que selon différents scénarios envisagés et des probabilités, on pourrait stocker entre 900 millions et 9 milliards de tonnes de CO2. Bon, c'est des gros chiffres qui sont abstraits. Ouais. Si on compare, par exemple, avec les émissions de CO2 des grands émetteurs au Québec, en 2010, les grands émetteurs émettaient à peu près 20 millions de tonnes de CO2 au Québec. Ce qui, si on remet ça avec la capacité théorique des basses terres, c'est-à-dire qu'on pourrait séquestrer toutes les émissions des grands émetteurs québécois sur une période variant entre 50 et 500 ans. Oui. D'accord. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, pendant 50 ou 500 ans... On pourrait capter toutes les émissions des grands émetteurs et les stocker dans le sous-sol des basses terres du Saint-Laurent. Ah, c'est quand même considérable. Oui. Bon, c'est une capacité théorique. Ensuite, il reste... C'est pas une capacité site par site. Ensuite, il reste des sites à identifier avec des capacités beaucoup moindres. Mais c'est une capacité, c'est pour donner une échelle de grandeur pour voir comment on se compare avec d'autres bassins ailleurs dans le monde. On est assez bien. D'accord. On a des bonnes capacités. Oui. Et je me pose des questions aussi. Est-ce qu'il va y avoir une surveillance? Parce que c'est bien de dire qu'il y a... Bon, qu'en théorie, c'est étanche, que la roche de couverture est étanche. Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite fracture? Parce que je pense, par exemple, là, en plus, vous me parlez d'une région qui coïncide un petit peu avec celle du gaz de schiste. On entend parler qu'il y a du gaz qui remonte et qu'on retrouve ça dans l'eau. Puis là, c'est 800 mètres? Plus de 800 mètres de profondeur. 800 mètres. On est au-dessus même des... Je pense que oui. On est sous les gaz de schiste, sous les unités visées par l'exploitation des gaz de schiste, qui sont dans une unité qui... C'est notre roche couverture à nous. Oui, si cette roche de couverture-là, qui est le shale d'Utica, est fracturée par l'exploitation des gaz de shale, nous... On ne peut pas s'attendre vraiment à faire une injection de CO2 sous à cet endroit-là exactement. Sur votre tranche de couverture. C'est ça. Donc là, on vient créer un problème. Il y a un conflit. Exactement. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'au même endroit, au même site, on est les deux exploitations, les deux technologies au même endroit. Ensuite, c'est sûr qu'il faut faire de la surveillance. C'est indispensable pour voir justement est-ce qu'il y a des fuites, est-ce qu'il n'y en a pas, et comment le CO2 se disperse dans l'aquifère, par exemple. On fait une surveillance avant, pendant et après l'injection. Avant, c'est pour rétablir les conditions de base. Comment c'était avant, puis voir si jamais il y a un changement. Est-ce qu'il y a un changement qui est dû aux opérations d'injection? Ça nous permet de définir un background. Et je me pose aussi une question plus d'un point de vue terre-à-terre ou bassement monétaire, mais bon, l'argent mène le monde, parce que je comprends que dans le cas de la récupération assistée du pétrole, c'est ça? Donc finalement, on avait un intérêt financier à dépenser de l'argent pour injecter du CO2 parce qu'on récupère du pétrole. Mais là, dans le cas où on envoie du CO2 dans un aquifère salin, il n'y a aucun intérêt financier, c'est une dépense. Donc, qui est prêt à payer pour ça? Les émetteurs? Le gouvernement? Oui, on comprend bien que les grandes installations industrielles ne capteront pas et ne séquestreront pas leur CO2 par philanthropie. En fait, ce qu'il faut, c'est une volonté politique les obligeant à réduire leurs émissions de CO2. Et cette volonté peut se matérialiser par l'instauration d'une taxe sur les émissions de CO2, par exemple, ou la mise en place d'un plafond d'émissions avec un marché du carbone. D'ailleurs, le Québec a choisi cette voie, puisqu'un marché du carbone va entrer pleinement en vigueur au 1er janvier 2013 dans la province. Et si on revient au projet de Sleipner dont on parlait tout à l'heure, Sensor. C'est en fait une plateforme gazière qui est au large de la Norvège et qui capte et qui séquestre son CO2 depuis 1996. Elle ne le fait pas pour se donner bonne conscience, mais car depuis les années 90, en fait, le milieu des années 90, il y a une taxe en Norvège de $50 par tonne de CO2 émise par les installations industrielles. Et dans ce cas particulier, ça coûtait moins cher à la compagnie de séquestrer son CO2 que de payer la taxe. D'accord. Donc, d'où l'intérêt d'instaurer un prix quand même assez élevé, $50 par tonne. Il me semble que c'est plus que ce que j'ai entendu dire d'autres fois. 15 ou 20 $. Ouais, c'est ça. J'ai entendu un $30, mais là, $50. Il faut une volonté assez ferme. Il faut une volonté assez ferme. Et donc, à ce moment-là, mais là, c'est parce que c'est une pétrolière, encore une fois. Oui. C'est pas... Donc, il faudrait. Est-ce que les émetteurs eux-mêmes seraient mis à contribution également Si par exemple une usine sidérurgique doit payer pour ses émissions de CO2 et que le prix de la tonne de CO2 est assez élevé sur un marché du carbone québécois, par exemple, et que ça coûte moins cher pour elle de séquestrer son CO2, à ce moment-là, elle séquestrera son CO2 plutôt que d'acheter des crédits pour émettre son CO2. Ouais, mais il faut que tout ça soit concerté parce que c'est pas juste un industriel isolé qui va construire l'infrastructure ni la pétrolière, donc il faut que ce soit un effort concerté. C'est une nouvelle filière qui doit se mettre en place. Et si on regarde un petit peu dans l'avenir, parce que bon, on entend parler des fois de ce genre de projet, donc on a déjà entendu parler du projet en Alberta, je pense, celui dont vous avez parlé tout à l'heure. En Saskatchewan. En Alberta, il y en a énormément aussi. Ouais. Est-ce que c'est une technique qui va résoudre le problème de l'augmentation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ou est-ce que bon, ça n'empêche pas qu'il faut quand même regarder les autres technologies ou... Oui, bien sûr, le CSC doit être utilisé parmi un portfolio de technologies pour réduire nos émissions, comme l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables ou même le nucléaire. Mais le CSC pourrait contribuer significativement à réduire les émissions de CO2, notamment pour des industries qui ne peuvent plus réduire significativement leurs émissions de CO2 aujourd'hui sans avoir recours au CSC. Si on pense aux cimenteries, aux usines sidérurgiques, elles ont réduit de 40 voire 50% leurs émissions de CO2 au cours des 40 dernières années. Et techniquement, c'est plus possible aujourd'hui de réduire. Elles ne peuvent plus réduire leurs émissions de CO2. Non, autrement, il y a une limite technique qui a été atteinte. Ouais. Donc à ce moment-là, pour ces industries, il ne leur resterait plus que le choix de capter, de séquestrer leur CO2 pour réduire les émissions. Donc il faut bien sûr, le CSC n'est pas une solution à elle toute seule. Il faut prendre en compte un portfolio de solutions pour arriver à réduire nos émissions. Ça veut dire que dans un avenir peut-être pas si lointain que ça, on va entendre parler pour de vrai de ce genre de projet, donc pas seulement au niveau des laboratoires, bon, de la recherche comme on le fait là, mais qu'il va y avoir des projets qui vont voir le jour réellement peut-être au Québec et qu'il va falloir travailler l'acceptation sociale aussi. Parce qu'on va se retrouver avec des problèmes comme on entend déjà parler en ce moment. Exactement. Le déploiement du CSC doit également s'inscrire dans un projet de société et cette technologie doit être acceptée, y compris par le grand public. Et si on vise les décennies à venir, dans le meilleur des scénarios qui a été envisagé par l'Agence internationale de l'énergie, celle-ci envisage plus de 3000 projets à l'horizon 2050 sur des gros sites industriels. D'accord, donc ça va être en expansion. 3000 projets dans le monde et en ce moment, on est à juste quelques projets. Une dizaine. Ok, donc je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler de la séquestration du carbone dans les sous-sols. Ben, je vous remercie beaucoup, c'était fort passionnant. Peut-être qu'on aura l'occasion d'ailleurs de s'en reparler ultérieurement quand les projets vont prendre de l'ampleur. Donc je vous remercie beaucoup tous les deux. Je rappelle que donc Jean-Philibert Moutenet et Karine Bédard, agentes de recherche, tous les deux agents de recherche à la chaire, je vais vous laisser dire le nom de la chaire. À la chaire de recherche à la séquestration géologique du CO2. Merci beaucoup. Donc, merci. À l'INRS. Merci. Voilà, donc après cette visite cette méthode de séquestration du CO2, dont probablement on va en entendre encore parler dans les années à venir, et j'espère qu'on va pas mettre la population devant le fait accompli comme on l'a fait un peu pour le gaz de schiste. Effectivement. Donc après cette vaste introduction, on va faire une pause publicitaire sur CKRL au 89,1.